dépliant de la publication qu'ils ont fait. L'année passée, ça avait créé un petit scandale dans la région quand il y a des gens qui avaient distribué dans des boîtes aux lettres, principalement dans le secteur de Chicoutimi, un guide sur les vérités et mensonges de l'immigration. Oui, on leur avait parlé d'ailleurs à ce sujet-là. Mais cette fois-ci, ça sort carrément de ce cadre-là. On se colle beaucoup plus sur la mission de l'éducation au Québec versus la mission de l'éducation des parents. On va rejoindre un porte-parole de la Fédération des Québécois de souche, Rémi Tremblay, qui est en ligne. Monsieur Tremblay, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir changé de sujet, de passer de l'immigration à l'école, à l'éducation de nos enfants comme ça, après un an? OK. Nous, en fait, on parle d'éducation depuis le fondement en 2005. On parle de différents sujets. C'est sûr qu'un de nos chevaux de bataille, c'est l'immigration. Mais on s'intéresse aussi à l'éducation de la jeunesse québécoise parce que veut pas, c'est la relève. Et c'est sûr qu'on s'interroge sur le fait que nos écoles soient transformées en laboratoire et que nos enfants, dans le fond, subissent les tests de pédagogues, sociologues qui servent de nos enfants un peu comme des rats de laboratoire. Parce que personnellement, j'ai pas encore d'enfants à l'école, j'ai même pas encore d'enfants tout court. Mon collègue Fred, ça s'en viendra éventuellement, il y a une petite fille, mais on ne sait pas exactement là, ce qui est enseigné, puis c'est loin de nous autres, de notre réalité personnelle. L'enseignant n'est plus le maître de la classe, mais est là pour aider le jeune à se construire une personnalité de citoyen modèle. Citoyen politiquement correct, en fait. Alors, nous, c'est sûr qu'on trouve que l'école devrait être un centre d'apprentissage et non pas un centre d'expérimentation, comme c'est le cas en ce moment. La réforme, on l'avait basée à l'époque sur l'exemple de la Suisse. Par exemple, la Suisse, eux autres, l'avaient seulement implantée au primaire, non pas au secondaire comme nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait au primaire et au secondaire. Et après quelques années d'expérimentation, ils se sont rendus compte que c'était un échec, alors ils ont tout de suite arrêté la réforme, sont revenus à l'ancien modèle. Et nous, en ce moment, on continue... Internet pour la pétition de cette dame-là, pour... Et une fois qu'il y a une réalité qui est troublante, à chaque fois, justement, que ça sort dans les médias, tout d'un coup, souvent la pratique cesse. Les enseignants espèrent que ça soit pas médiatisé et lorsque ce l'est... Par contre, c'est sûr et certain qu'un des débats chauds de la société québécoise présentement, c'est cette prétendue charte des valeurs et de la laïcité. Je serais curieux d'entendre votre opinion là-dessus. OK. Vite comme ça, je suis pas celui qui est le plus calé dans la matière. Ce que je vous dirais... C'est que pendant les choses, on se pose beaucoup de questions sur la laïcité, notamment à cause de l'islam. L'islam qui devient de plus en plus présent, de plus en plus visible. Et si on regarde en France, ce que la laïcité a donné, ça n'a rien changé. Il y a toujours plus d'islam. L'islam est toujours plus présent malgré les chartes de la laïcité, des lois gérant la laïcité. Donc, la charte de la laïcité, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau tant qu'à moi. De plus, ce qui est à déplorer, c'est que la laïcité, version québécoise, c'est... Mais dans la charte quand même du Parti québécois, ben, c'est pas encore détaillé, là, mais il y a une importance à l'histoire catholique du Québec aussi. Ce sera à voir prochainement quand ce sera déposé officiellement. Là, mais c'est ça, ça va... on va pouvoir commenter une fois que tout va avoir été sorti en bonne et due forme, mais d'interdire tous les symboles religieux, y compris les symboles catholiques, je trouve que c'est mettre toutes les religions sur un pied d'égalité. Puis dans notre histoire, toutes les religions ne sont pas sur un pied d'égalité. Le catholicisme fait l'histoire du Québec, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on soit catholique ou non, c'est quelque chose qui est simple à admettre, autant que 1 plus 1 égale 2. C'est simple et c'est vrai. Alors de donner aucune préférence au catholicisme, c'est un peu faire un affront à notre histoire, à notre culture puis à notre peuple. Monsieur Tremblay, merci de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Rémi Tremblay, qui est porte-parole de la Fédération des Québécois de souche du Québec. L'année passée, après l'entrevue qu'on avait fait avec lui, il y avait eu... C'était-tu avec lui ou avec un autre porte-parole? Je pense que c'était avec un autre. Ben, écoute, puis moi, je pense... Radio X. Oui, salut. Salut. Oui, c'est... De qui venait déjà votre invité qui vient de passer? La Fédération des Québécois de souche. Non, j'ai bien aimé ça. J'ai étudié en éducation préscolaire primaire, puis... Un autre point qui se rapproche un peu de ce que monsieur avançait, c'est que c'est beaucoup féminisé. Moi, je suis un homme qui s'assume, père de famille, mais c'est difficile pour un gars d'aller enseigner dans le préscolaire primaire parce que c'est d'abord et avant tout féminisé. Puis les questions à lesquelles il faisait référence tantôt qui peuvent être posées aux enfants, c'est féminin. Après ma mort, ça prend de la gestion de ce qui se passe dans sa ville. Qu'est-ce que vous pensez du spectacle qui a été organisé? Ben, je vais faire mes après. Regarde, d'abord, c'est une corporation qui relie la Saguenay puis le lac Saint-Jean. Hein. Il y a près de la moitié des membres du conseil d'administration qui viennent du lac Saint-Jean. Ouais. Alors, ces gens-là, ils font leur travail. À la fin, ils vont venir nous voir, ils vont nous dire si extraordinaire que ça, mais il est un peu tôt pour juger tout ça. La ville a donné combien dans l'organisation des fêtes? Près de 2 millions au total. Mais ça sert à toutes les organisations, il y en a partout. Non, je sais, mais quand même. Mais c'est la ville qui paye la grosse partie de la facture. C'est que la corporation, à chaque fois qu'on leur demande des budgets, des chiffres pour les activités qu'ils organisent, ils ne nous donnent pas l'argent que ça a coûté. À la fin, je ne vois pas comment on va pouvoir cacher ces choses-là. À la fin. Bill. Kick. Radio X.